Il existe des pharmacies ultramodernes. Rien qu'en y pénétrant, on se sent déjà mieux. Tout respire l'ordre, l'hygiène absolue, tout est impeccable. Il existe d'autres officines qui, au contraire, respirent la science immémoriale. Installées depuis des siècles, elles sont décorées de pots anciens faits de faïences multicolores, des boiseries cirées, disent que des générations de potards ont acquis ici une connaissance irremplaçable des poudres et des potions. Mais dans ces officines du fond des âges, d'étranges présences invisibles peuvent se manifester. Monsieur Sainte-Croix, l'apothicaire de Château-Noir, est occupé dans son laboratoire. C'est l'heure où il prépare les poudres magistrales commandées par ses clients. Comme la pharmacie est ancienne et comme nous sommes en décembre 1929, le poêle ronronne doucement. Soudain, un fracas détourne l'attention de M. Sainte-Croix. Tiens, voilà le tuyau du poêle qui fiche le camp. Ah ben c'est bien le moment. Juste quand je suis dans les préparations. M. Sainte-Croix, délaissant un instant ses dosages précis, saisit le tuyau de tôle qui a roulé sur le sol de tomette ancienne et le remet en place. Puis, il retourne à ses balances de précision. Dans les 10 minutes qui suivent, un nouveau fracas le fait se retourner une seconde fois. Le même morceau de tuyau du poêle est à nouveau tombé par terre. Enfin, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Ça fait 20 ans qu'il est en place et le voilà qui se met à jouer des filles de l'air. Monsieur Sainte-Croix, pour la seconde fois, replace l'élément de tuyau. 5 minutes plus tard, le même élément du tuyau, pourtant solidement enclenché dans 2 autres, retombe au sol. Du coup, M. Sainte-Croix, agacé, prend l'élément rebelle et le pose sur un meuble tout proche. Puis, il reprend ses occupations. En tout cas, il essaie de les reprendre, car une fois sur le meuble, le tuyau, Dieu sait comment, retombe une nouvelle fois à terre. M. Sainte-Croix, avec un petit « ah » agacé, le remet sur le meuble. Mais non, décidément, pour une raison mystérieuse, le tuyau ne veut pas tenir en place, ni au-dessus du poêle où il résidait depuis si longtemps, ni sur le meuble, pourtant parfaitement plan. Gertrude, la jeune bonne de M. de Sainte-Croix, arrive et demande à son patron à quelle heure il désire que le dîner soit servi. Comme je vois que vous êtes lancé dans vos préparations, si jamais c'est un peu long, nous sommes mardi, j'ai fait des endives au gratin. À 8 heures, comme d'habitude. Merci, Gertrude. Gertrude sort du laboratoire. En sortant, elle claque la porte, une habitude que M. Sainte-Croix n'est jamais parvenu à lui faire abandonner. « Gertrude, ne claquez pas les portes comme ça! Je vous l'ai dit 100 fois !» Ce soir, c'est le bouquet. En claquant la porte, Gertrude n'y est pas allée de main morte. Toute une série de boîtes de pastilles se retrouve par terre, à côté du tuyau de poêle qui semblait n'attendre que ça. M. Sainte-Croix, de plus en plus énervé, interrompt ses dosages pour remettre tout en place, les boîtes, les pastilles et le tuyau. Ah, il n'est pas au bout de ses peines. Avant que ne sonnent à l'horloge les 8 coups qui annoncent le dîner, les mêmes boîtes de médicaments vont encore sauter à terre, littéralement, et toujours en compagnie du tuyau de poêle. Nous ne sommes pas à l'époque où de gros camions ébranlent les maisons en passant sur les routes toutes proches. Monsieur Sainte-Croix n'envisage même pas qu'un léger séisme puisse ébranler sa pharmacie. Ce n'est pas le genre de la région. Alors il remet tout en place une dernière fois et il n'y pense pas davantage jusqu'au jeudi, 2 jours plus tard. Ah ben ça alors c'est un peu fort! Alors qu'il est dans son laboratoire, 2 bocaux à pharmacie, 2 bocaux anciens, ornés de titres latins en lettres dorées, tombent sur le carrelage et se brisent. Gertrude, appelée à la rescousse, vient balayer les morceaux et en profite pour dire un peu acide « Monsieur ne pourra pas dire que c'est moi qui claque les portes. J'étais parti au marché. » Le lendemain vendredi, ce sont 6 nouveaux bocaux qui se fracassent au sol. Heureusement, ils sont vides. Mais quand même, c'est incompréhensible. Enfin, est-ce que c'est la maison qui se met de guingois? Ça, c'est plus fort que le Joe Bouchon. Monsieur Sainte-Croix remet en place les bocaux qui restent. L'un d'entre eux, le plus gros, se retrouve au fond d'une sorte de niche assez profonde. De temps en temps, M. Sainte-Croix jette un regard soupçonneux vers les bocaux baladeurs. Mais je rêve ou quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Le gros bocal, il n'y a pas de doute, s'est avancé hors de la niche, jusqu'au bord du meuble. Il est déjà en équilibre, instable, à moitié dans le vide. Le pharmacien n'a que le temps de l'attraper au vol. Déjà, le bocal s'apprêtait à tomber sur le carrelage. Le mardi suivant, les bocaux dégringoleurs semblent pris de folie. Ils se mettent à tomber à tout moment. Même un bocal pesant plus de 2 kilos et contenant, entre autres, des boules de camphre. Plus fort encore, sous les yeux incrédules de M. Sainte-Croix et de Gertrude, un bocal tombe à terre, mais avant de se fracasser, il décrit une sorte d'arc de cercle autour du meuble et va toucher le sol à plus d'un mètre de l'endroit où il aurait dû aboutir. À présent, ce sont différents récipients posés à même le sol qui semblent pris de la danse de Saint-Guy. Ils sautent littéralement en l'air avant de retomber brisés en mille morceaux. Gertrude, claquant des dents et multipliant les signes de croix, déclare « Monsieur m'excusera, mais je ne comprends rien à toute cette diablerie. Je ne veux plus entrer dans le laboratoire. Si j'étais monsieur, j'irais demander au curé de venir jeter un peu d'eau bénite sur la pharmacie. » Monsieur Sainte-Croix, un bon pharmacien libre-penseur, se ferait couper les moustaches plutôt que d'aller demander l'aide du curé. À partir de cette date, les bocaux, les fioles, les flacons de la pharmacie Sainte-Croix semblent pétillants d'initiative. Monsieur Sainte-Croix remarque qu'ils ont l'air particulièrement intéressés par la présence de Gertrude. Dorénavant non content de tomber à terre, il tente des sorties vers la boutique de l'apothicaire. Quand la porte qui donne sur le laboratoire est fermée, toute une foule de pots et de bocaux vient se fracasser sur le lourd panneau de chêne. Monsieur Sainte-Croix remarque autre chose. Enfin, c'est invraisemblable. Le bocal de boules de camphre que j'ai mis ce matin sur l'étagère se retrouve à présent en haut de la bibliothèque. Et le mortier? Hein, le mortier? Comment a-t-il fait pour se renverser? Le lourd mortier de marbre, son pilon, doivent peser plus de 20 kilos. Ben, à présent, ils sont de travers. Et le pharmacien a du mal à les remettre debout. Au village, on commence à jaser. Les gens disent que la bonne Gertrude Hamelin a été envoûtée. Ils disent même que l'envoûteuse serait une autre jeune femme de la commune, une certaine Annie Bourgnon, âgée de 20 ans. On dit qu'on l'a trouvée en train de lire des livres de magie. Telle est la rumeur publique, qui monte, qui enfle, qui rebondit de maison en maison. Annie Bourgnon, désignée par la voix du peuple comme une sorcière redoutable, voit sa vie empoisonnée. Elle décide de porter plainte pour diffamation. Monsieur Sainte-Croix, à défaut du curé, reçoit la visite des gendarmes. Et ceux-ci, tout d'abord un peu étonnés, consignent scrupuleusement les faits. Ils interrogent aussi Gertrude, qui confirme les dires de son patron. Comme les flacons sauteurs ne se gênent plus, même en présence de témoins, clients ou parents de Monsieur Sainte-Croix, ceux-ci peuvent aussi apporter leur témoignage. L'autre jour, nous étions assis dans la salle à manger. Eh bien, un litre est arrivé à toute vitesse. Vous le croirez si vous voulez. Il y avait un sac de 5 kilos de lactina sur son passage. Nous avons vu le sac se soulever juste à temps pour laisser passer le litre qui est venu se briser devant moi. Et puis le sac de lactina est redescendu doucement, doucement, comme si une main invisible le déposait délicatement sur le sol. Il y a de quoi devenir fou. Mis en appétit par des prouesses chaque jour plus étonnantes, ce ne sont plus simplement les ustensiles de la pharmacie qui se lancent dans une sarabande effrénée, les meubles s'en mêlent, particulièrement les chaises, qui semblent apprécier les sauts en l'air et les promenades au niveau du plafond. Les témoins préciseront, avec un bel ensemble, qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, les portes des placards fermées au loquet s'ouvrir, comme mues par des mains invisibles. Une fois les placards ouverts, les fioles, les entonnoirs de verre, les cornues les plus rares se sont envolés pour aller se fracasser. Et toujours, toujours, en direction de la jeune Gertrude, ou du moins en direction de la pièce où elle se trouvait au même moment. Les tiroirs du buffet de la salle à manger, remplis d'argenterie, sortent du meuble et se renversent sur le sol. Après les meubles, Ce sont les vêtements qui se lancent dans la sarabande infernale. Les chapeaux volent, les manteaux quittent les patères pour aller se poser sur les meubles. Mais tous ces objets paraissent d'autant plus en train que la bonne, la petite Gertrude, est à proximité. Alors M. Sainte-Croix décide d'éloigner son employé. Vous allez partir quelque temps chez ma mère, histoire de voir si, en votre absence, les choses se calment un peu. Et effectivement, une fois la petite Gertrude exilée chez Mme Sainte-Croix mère, la pharmacie retrouve son calme. Pendant ce temps-là, messieurs les gendarmes qui sont venus pour interroger, constater et consigner estiment que leur travail n'est pas terminé. Si ça se trouve, il existe une explication logique et rationnelle à tout cela. Ne serait-ce qu'une mauvaise plaisanterie. Si c'était le cas, il faudrait, tout en admirant le talent du farceur, l'inculper, peut-être, d'outrage à agent de la force publique, et en profiter pour apprendre les merveilleux secrets de ses tours de magie. Pourtant, même chez les Pandore, une certaine inquiétude persiste. Le brigadier n'hésite pas à dire au capitaine « Moi, je me méfie. Vous savez que nous sommes en plein pays de rebouteux, de sorciers et de jeteurs de sorts. Ce n'est pas la première fois qu'on raconte des histoires d'objets qui se déplacent tout seuls. » Le capitaine, qui vient de Paris, fait une moue de scepticisme. Quand au bout de 3 mois, le pharmacien Sainte-Croix demande à Gertrude à contre-cœur si elle veut reprendre du service à la pharmacie, celle-ci lui répond par la négative. En définitive, madame votre mère se trouve bien de mes services et elle me propose de demeurer chez elle, loin du village. Je crois que j'aurais trop peur de revenir chez vous si les bocaux recommencent à sauter partout. Monsieur Sainte-Croix découvre une autre domestique d'âge canonique. Celle-ci ne semble déchaîner aucune force infernale. Anne Bourgnon, soupçonnée de pratiques diaboliques, retrouve sa réputation et on finit par classer l'affaire. Le village et la pharmacie retrouvent leur calme. Il ne reste plus qu'à faire l'inventaire de tous les bocaux, fioles, litres qui ont été détruits dans la pharmacie et de les remplacer. Ce qui coûte à M. Sainte-Croix une véritable petite fortune.